Merci Blockbuster pour l'émission d'aujourd'hui sur Assassin's Creed. Je suis une fan de la première heure, je joue depuis le départ. Votre intervenant d'Ubisoft disait que ce qui les intéressait, c'était les heures passées sur le jeu par les gamers. C'est mon cas, à tel point qu'aujourd'hui, ce sont mes garçons qui mettent en route la minuterie du four pour m'arrêter, parce que quand je suis partie, je ne m'arrête plus. J'aurais jamais cru possible, mais j'avais jamais visité le Colisée à Rome avant d'avoir joué à Assassin's Creed. Et depuis, j'y suis allée et j'ai eu cette incroyable sensation de déjà-vu quand je suis arrivée devant le Colisée. J'étais déjà allée là, j'étais montée dessus et on se rend pas compte à quel point ce jeu vidéo peut vous donner cette espèce de sensation totalement d'avoir été là, quoi. C'est génial. Oui, bonjour, Damien Devanne. Une suggestion, une adaptation de Assassin's Creed par Tarantino avec une musique de Whitney Houston. Voilà, moi je signe tout de suite et je cours le voir. Ah, Whitney Houston, les souvenirs d'amour de primaire, les booms, les slows langoureux, les premiers chagrins. Ah. To be or not to be, not to be. Tintin, c'est pas une bande dessinée. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais non, Tintin, c'est pas une BD. Tintin, c'est autre chose. C'est une forme d'art pour laquelle on n'aurait pas encore trouvé de nom. C'est devenu un monument, un passage obligé. Un peu comme les Beatles sont devenus au fil du temps plus que du rock. Je me souviens qu'en 6e, ma prof de collège, Madame Lamelière, nous a fait étudier Tintin. La mise en page, les phylactères, l'art consommé d'Hergé pour donner envie au lecteur de tourner la page. Pour Madame Lamelière, ça faisait aucun doute que Tintin devait être étudié avec le même sérieux que l'imparfait du subjonctif, l'histoire de France ou le théorème de Pythagore. Je lui aurais demandé d'étudier Dragon Ball ou Batman avec le même professionnalisme, elle m'aurait regardé avec des yeux interloqués et elle m'aurait dit le plus sérieusement du monde « Mais voyons Frédéric, ça n'a rien à voir !» Tintin, c'est pas une BD. À 41 ans, je le vois encore autour de moi avec les enfants de mes potes. Si l'un d'entre eux a un manga entre les mains, il n'est pas rare que l'un des parents me dise « Oh, ça me saoule, il passe son temps à lire ses mangas, j'aimerais bien qu'il se mette à lire un vrai livre. » Tintin, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Des fois, ce sont même tes grands-parents qui t'incitent à lire Tintin. Dans le monde de la BD, Tintin s'est élevé au-dessus de sa condition sociale. Tintin, c'est une œuvre d'art plébiscitée par petits et grands partout sur la planète. Mais pourtant, vous savez quoi? J'ai beau me répéter le contraire, il semblerait que Tintin, eh ben ça soit une bande dessinée. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Bandit, escroc, sale brute! Tu peux crier tant que tu veux, personne ne t'entend. Allons, pour la dernière fois, dis-moi où est Tintin! Je suis là! Tintin! Tintin est le journaliste belge le plus connu au monde, après Charline Van Honecker bien entendu. Avec plus de 250 millions d'albums vendus sur la planète, traduits dans plus de 110 langues, Hergé, Georges Rémy de son vrai nom, était loin d'imaginer en créant le célèbre reporter à la houppette à la fin des années 20 que ce dernier allait devenir un des personnages de bande dessinée les plus populaires sur la planète. Accompagné de personnages aussi hauts en couleur que le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les Dupont et Dupont, sans oublier le fidèle Milou, c'est plusieurs générations de lecteurs qui depuis 90 ans suivent les aventures sans cesse rééditées du petit reporter. Alors pour évoquer l'incroyable longévité de ce personnage, j'ai à mes côtés Sonia Deschamps. Bonjour. Bonjour, j'aurais beaucoup aimé avoir votre professeur de français. Madame Lamelière ? Tout à fait. Oh bah, ça aurait été génial. C'était une école privée. Voilà, c'était juste que j'étais chez les cathos. C'est pour ça. Désolé. Voilà, c'est vrai, ça arrive. Mais on étudie à teinte, hein, ça avait fait. Benoît Peters, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes scénariste, critique français, grand spécialiste de l'univers de Tintin et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Oui, et j'ai eu la chance de connaître Hergé. C'était déjà une passion d'enfant, puis d'adolescent. Je lui ai écrit, j'ai fait une première interview en 77, et j'ai recueilli sa dernière interview en décembre 82, à quelques semaines de sa mort. Et c'est vrai qu'au fond, l'œuvre d'Hergé n'a jamais cessé de m'accompagner et a toujours suscité chez moi le même enthousiasme. Formidable. Alors, ça tombe bien parce que ça va être un petit peu le sujet du jour. Alors, je n'ai pas dit que Sonia Deschamps, vous étiez journaliste BD pour France Culture, parce que là, comme ça, il lui dit bonjour à Sonia, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Sonia, elle est journaliste BD France Culture, et notamment les cahiers de la BD et le monde des ados. Le monde des ados pour les collégiens, voilà. Exactement. Alors, voilà, je rectifie mon erreur. Benoît Mouchard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur éditorial bande dessinée des éditions Casterman et rédacteur en chef de la revue Pandora et auteur d'un ouvrage sur Tintin. Sur Hergé, oui. Tout à fait. Le monde est bien fait. Et j'ai effectivement eu la chance d'avoir un professeur d'histoire en troisième qui nous a fait étudier une planche de Tintin au Congo. Je le salue. C'est un amateur de bande dessinée. Il a même été scénariste de bande dessinée pour Tito. C'est monsieur Fischer. Didier Fischer, bonjour. Eh bien, le voici! Ensemble, on va essayer de savoir qui était Hergé, comment lui est venue l'idée de créer Tintin. On analysera ce qui a fait son style si particulier, les polémiques qui entourent Tintin, car il y en a quelques-unes. Et à l'heure des écrans dans tous les coins, des super-héros bodybuildés et des jeux vidéo toujours plus immersifs, est-ce qu'il y a encore une place pour ce personnage incroyable qu'est Tintin? Allez, c'est Blockbuster sur France Inter, et j'ai envie de dire, en avant Milou! Mais bonjour, je désirerais parler à Monsieur Tintin, s'il vous plaît. Je vais le chercher, un instant. Il est absent. Oh, quel dommage. Pardon ? Eh ben tant pis, je repasserai. Attendez. Hein ? Que puis-je faire pour vous ? Monsieur Tintin, on vient de me dire que vous étiez absent. Permettez, je suis enchanté de vous connaître. Je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol. J'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. Oui, et alors ? Mais c'est fort bien, mais avez-vous songé au requin ? Au requin ? Ah non, messieurs, je parle de requins. J'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer. Je regrette, monsieur Tournesol, mais je suis très occupé et je n'ai... Ah non, ce n'est pas loin, 10 minutes à peine. Bah, ça... Inutile, monsieur, n'insistez pas, je n'ai pas le temps, vous entendez? Pas le temps! Eh ben, c'est entendu, allons-y tout de suite, alors. Mais je vous remercie d'avoir accepté si vite de venir, messieurs. Tout cela est étonnant. Ah non, Tournesol, Trifon Tournesol. Benoît Peters, qui est Hergé ? Hergé, Georges Remy, c'est un petit Belge, un homme qui restera en Belgique jusqu'à la fin de ses jours, un Bruxellois surtout, qui naît dans un milieu pas particulièrement favorisé, qui ne fait pas d'études particulièrement brillantes, qui publie pendant son adolescence dans des toutes petites revues scouts, puis qui entre dans un journal ultra-catholique et hyper conservateur, et qui va réussir, à partir de ce point de départ pas très favorable, à créer une œuvre universelle, c'est-à-dire à s'affranchir de toutes les limites de son milieu. Et c'est quelqu'un qui va s'inventer peu à peu, comme dessinateur, comme narrateur, comme homme d'imaginaire, et qui va avoir une trajectoire incroyable. Aujourd'hui, les auteurs sont formés, tous les auteurs de BD, ils ont fait des études, ils arrivent avec un niveau graphique élevé. Si on avait aujourd'hui, je ne sais pas si Benoît Mouchard recevait dans son bureau un jeune Hergé apportant les deux premières pages de Tintin au pays des soviets, je ne pense pas, malgré son flair, qu'il l'accueillerait vraiment les bras ouverts. Et pourtant, à partir de ce point de départ rudimentaire et de cette œuvre de commande réalisée... sous la conduite de son patron, un abbé un peu rigide d'esprit, eh bien Hergé a réussi à inventer cette œuvre, à s'inventer lui-même. Benoît Mouchard, une réponse ? Oui, d'ailleurs que... comme un de ses compatriotes et presque contemporains, Georges Simenon, Hergé a été édité au moment où il débutait, et donc il a pu voir son travail imprimé, comme Simenon a pu voir ses textes imprimés, et voir aussi la réception qu'avait son travail, d'abord grâce effectivement au microcosme du scoutisme en Belgique, et puis ensuite avec ses premières aventures de Tintin publiées dans un journal qui était encore assez confidentiel. Et je pense que le fait d'avoir vu son travail imprimé a été aussi pour lui une manière de comprendre là où il devait travailler pour faire évoluer sa clarté de narration, sa lisibilité du dessin aussi. Et est-ce qu'on lui a appris à dessiner ? Non. Il avait d'ailleurs, il disait souvent, je ne sais pas si c'était vrai Benoît, mais qu'il avait des mauvaises notes en dessin à l'école. Il a exagéré, il aimait dire qu'il était premier ou deuxième dans toutes les matières sauf en dessin, mais ça c'est la manière un peu Linkler dont Hergé a raconté sa vie, c'est-à-dire qu'il aimait colorer les épisodes et les faire ressembler un petit peu à des gags ou à des petites historiettes. En réalité, il n'était pas mauvais en dessin, mais il n'avait pas de formation parce qu'il faisait de la caricature et pas du dessin académique. Et c'est un peu plus tard, la rencontre avec le fameux Zhang Chongzhen, jeune étudiant chinois, qu'il a eu son premier vrai prof de dessin, c'est-à-dire qu'il a initié au maniement du pinceau à tout l'art du dessin chinois qui va informer énormément la calligraphie, notamment les estampes de Kusai. Pas vraiment ça, c'est surtout finalement le noir et blanc, parce qu'Hergé est d'abord et pendant une longue période un dessinateur du noir et blanc, mais il va chercher à concilier élégance et efficacité. Et finalement, c'est ça, la ligne claire, c'est-à-dire un dessin que tout le monde peut lire, même un tout petit enfant le comprend tout de suite. Et en même temps, quand on voit un original d'Hergé, on est émerveillé, par exemple, par les modulations du trait. Et alors, j'ignore si on peut faire un parallèle avec un autre grand nom de la bande dessinée mondiale, mais qui est Osamu Tezuka. Parce que je trouve qu'il y a énormément de rapports entre leurs deux traits. Alors l'œuvre de Tezuka est quand même beaucoup plus vaste que celle d'Hergé, d'abord en nombre. Hein, il y a beaucoup plus de mangas conçus par Tezuka. Tezuka est sans doute beaucoup plus influencé aussi par le dessin animé américain et par la bande dessinée américaine, notamment bien sûr tout ce qui est proche de Mickey, donc Floyd Gottfredson, mais aussi Popeye et Cigar, qui a une grosse influence mondiale à cette époque-là. Le point commun, c'est l'humanisme, probablement, parce que... Les deux ont généré un art et une postérité énorme, puisqu'il n'y aurait pas eu le développement du manga sans Tezuka, et il n'y aurait sans doute pas eu le développement de la bande dessinée franco-belge sans Hergé. Je rappelle aux auditeurs que Osamu Tezuka est l'auteur de Astro, le petit robot, le roi Léo... Blackjack. Beaucoup de très grands classiques, plutôt, etc. Le point commun, c'est qu'ils ont suscité des vocations aussi. Et qu'ils ont aussi contribué à ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire à faire en sorte que l'expression qu'ils avaient choisie, qui n'était pas forcément très considérée, devienne vraiment un sujet d'intérêt et soit respecté en tant que vraiment expression artistique. Sonia Deschamps, est-ce que vous pouvez expliquer à l'auditeur ce qu'est la ligne claire ? Je pense que Benoît Wetters le ferait 100 fois mieux que moi, mais effectivement, vous évoquiez ce trait très simple, très, très clair justement, mais c'est aussi la ligne claire, c'est raconter une histoire de manière très claire. Et c'est ça aussi que recherchent les auteurs encore aujourd'hui chez Hergé. Vous disiez aujourd'hui, les auteurs de bande dessinée sont formés, ils peuvent avoir fait des études de dessin dans des écoles de bande dessinée, mais leur formation, c'est aussi la lecture des œuvres marquantes, et notamment d'Hergé. Et je crois, Benoît Mouchard, on a participé à une émission Un jour ensemble, et vous racontiez que des auteurs comme Riyad Satouf, par exemple, quand il voulait se plonger, d'un seul coup se remettre à dessiner, se plonger dans un Tintin pour savoir comment est-ce qu'on parle bande dessinée. Et c'est ça qui est très fort chez Hergé, et que les auteurs soient des fans ou pas de l'œuvre dans sa totalité, tous sont là pour dire que c'est une œuvre imminemment importante dans l'art de la bande dessinée, et de savoir comment on raconte une histoire. Et Hergé, je crois, le disait, qu'il était un conteur d'histoire, et c'est vraiment ce qu'il voulait, c'est ce qui ressort de ses aventures. À aucun moment on ne lâche parce qu'on est pris dans le rythme, et il n'y a rien qui vient heurter la lecture, qui nous fait repartir en arrière, ou voilà, on avance tout le temps avec Tintin dans le même élan. Ce qui a formé Hergé, c'est le cinéma muet. Alors que beaucoup d'auteurs en France, dans cette époque-là, à l'époque de Bécassine ou des Pieds Nickelés, ils venaient du monde du texte. Ils faisaient du texte avec de l'illustration. On ne faisait pas confiance à la capacité de l'image de raconter vraiment. Hergé, lui, qui avait grandi avec le cinéma burlesque, il a d'emblée cru qu'on pouvait raconter avec les images. Et donc, on peut s'adresser à tous les niveaux. C'est-à-dire, le lecteur tout petit suit, par exemple, Milou, ou les Dupont qui font des âneries, et le lecteur adulte va s'intéresser à l'arrière-plan historique ou mythologique. Et ça, c'est vraiment un talent d'Hergé qui est exceptionnel. Alors, on va continuer de parler de Tintin, mais saviez-vous qu'il a aussi fait une carrière dans la musique ? Eh oui, on va l'écouter. Cette émission est réalisée par la Castafiore, Céline Hilla, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission, et à la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin. C'était Jimmy Somerville, le sosie non officiel de Tintin avec son groupe Bronski Beat et le titre Why dans Blockbuster sur France Inter. Descendons, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme! Pas crié, Saïb! Toi, causé avalanche! Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux! Phylloxera, rocambole, cyanure! Courir, Saïb! Anthropopithèque, vampire, poisson, toi! Colocade, cannibale! Nous sommes toujours avec Sonia Deschamps, Benoît Peters et Benoît Mouchard pour parler de Tintin. À quelle époque est sorti le premier album de Tintin ? Alors Tintin est né en 1929, probablement quelques semaines avant sa première parution, c'était le 10 janvier. Il est né sous l'incitation du rédacteur en chef du journal du quotidien belge Le XXe siècle, qui souhaitait édifier la jeunesse des enfants des lecteurs qui étaient plutôt des adultes. C'était un journal catholique. Très catholique. Très conservateur. Assez, on pourrait dire assez à droite, pour le dire très avec modération, mais c'était très à droite. Et donc, le premier sujet et la première destination que ce directeur, ce rédacteur en chef a choisi, c'était l'URSS, avec comme idée de montrer à quel point le communisme, c'est pas bien. Voilà. C'est le sous-texte. Et Hergé, en fait, à partir de ce cahier des charges, va prendre sa liberté et faire vraiment une aventure qui est davantage une succession de moments burlesques, comme Benoît l'évoquait tout à l'heure. Il y a énormément de scènes qui jouent sur des gags visuels qui sont d'ailleurs très mouvementés. C'est déjà la vitesse. C'est là qu'il gagne sa houppette. Exactement, c'est parce qu'il il est en voiture et que le vent fait redresser ses cheveux qu'il prend la houppe. Il y a quand même des... Alors, cet album a été très sulfureux pendant de nombreuses années. Il n'était pas réédité. Évidemment, la chute du mur de Berlin et tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ce qui s'est passé dans le bloc de l'Est a un peu changé la perspective, mais très très longtemps c'était un album qui était considéré comme un album complètement réactionnaire. Quand on le relit aujourd'hui, les attaques concernent le fait que des journalistes occidentaux peuvent être abusés par une propagande en ayant sous les yeux une industrie qui n'est en fait pas aussi forte et aussi compétitive qu'on le dit. Surtout des journalistes britanniques. Voilà. Et puis aussi des élections truquées qui sont montrées. Et toute ressemblance avec... On sait maintenant que c'est vrai. Mais... Bah oui, une scène magnifique d'une intelligence de mise en scène extraordinaire où Hergé ne fait pas de discours. Il n'explique pas aux enfants, il le montre, on le comprend tout de suite. On voit les visages qui se baissent, la peur qui est là. C'est magnifique. Alors c'est une aventure où il y a eu des choses incroyables parce que, par exemple, le XXe siècle ne recourait devant aucun moyen pour faire croire aux enfants que Tintin était réel. Par exemple, à un moment, on publie une fausse lettre de la GPU qui enjoint Hergé de cesser cette aventure, qui enjoint d'arrêter la propagande antisoviétique. Et puis alors, l'abbé Wallet, le directeur du journal, a l'idée d'organiser un retour de Tintin du pays des soviets. Donc au moment où l'aventure se termine, on fait un petit peu de publicité, notamment dans les milieux scouts. Hergé a peur qu'il y ait 30 ou 40 gosses, et en fait il y a des centaines d'enfants qui sont là devant la gare du Nord à Bruxelles et qui vont l'accueillir, ce qui va stupéfier Hergé, le décider à continuer Tintin. Et puis autre idée forte, faire un album. C'est-à-dire que d'emblée, dès la première aventure, et là c'est vraiment quelque chose de très rare, hein, à l'époque, l'idée de l'album en 1930 est tout à fait inhabituelle, et non seulement on fait un album, mais on fait un tirage numéroté. Et signé. Et signé. Signé, pas par Hergé, parce que personne n'aurait su, on ne s'intéresse pas vraiment à Hergé, signé par Tintin lui-même. Et Milou. Et qui va signer Milou ? La fiancée, oui, c'est ça. La fiancée d'Hergé. Alors, je vous le rappelle une fois de plus, hein, tout cet été sur notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Tintin. Benoît Mouchard, qu'est-ce qui définit Tintin, le personnage ? Parce que c'est vrai qu'apparemment, c'est un personnage assez lisse. Bon, alors d'abord, Tintin, et on est assez nombreux à penser que ce n'est pas vraiment un personnage, c'est plutôt une idéalisation, c'est une espèce de transfert. Hergé disait C'est un masque que tout le monde peut porter. Donc quand on lit Tintin, nous sommes tous Tintin. Vous, Sonia, Benoît et les auditeurs qui nous écoutent. Donc il est parfait parce que c'est une image idéalisée. C'est surtout celui qui fait en sorte que l'action continue. C'est quelqu'un qui court, il est tout le temps penché en avant, il est tout le temps vraiment dans le mouvement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on le dit très policé, il y a quand même pas mal de moments où Tintin est au bord effectivement de perdre la raison. Il n'y a pas que à cause du poison qui rend fou qu'il pète les plombs, ça lui arrive aussi à lui. Et surtout, le monde qui est autour de lui, les personnages qui sont autour de lui, ce monde adulte, cet enfant parfait est entouré d'adultes qui, eux, sont vraiment des imparfaits, des marginaux, des déviants parfois, des gens qui sont dépendants de drogue, d'alcool. Donc c'est un monde qui est beaucoup Milou moins... Milou y compris. Milou y compris, mais qui est beaucoup moins lisse qu'on ne peut le voir dans un premier temps et comme le dessin pourrait le laisser croire. Je crois qu'au contraire, quand on est enfant, moi je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens, ça peut paraître bizarre, entre Hergé et David Lynch, parce que Hergé et David Lynch sont deux névrosés qui sont totalement fascinés par la psychose. Alors David Lynch c'est pour d'autres raisons, mais c'est le thème de Twin Peaks notamment, entre autres. Mais Hergé, il est fasciné effectivement par la psychose parce qu'il a grandi avec une mère qui était, comme on le disait à l'époque, mélancolique, c'est-à-dire qui était probablement bipolaire. C'est sans doute comme ça qu'on la définirait aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui explique la quasi-absence des femmes dans l'œuvre d'Hergé ? Ça pourrait être une explication qui n'a pas tellement été pour le moment soulevée. Il y a d'autres explications, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le contexte catholique. Hergé était sans doute croyant en ses tout débuts, mais pas très pratiquant. Et reconnaissons aussi qu'il a fait un héros qui est laïque. On ne voit pas Tintin aller à la messe, on ne voit pas Tintin s'en remettre à la divine providence. Alors qu'il était dans un journal catholique avec une pression forte là-dessus, mais il a vite conquis son autonomie. Et quand il y avait des interventions de curés, il y en a une qui est célèbre, dans On a marché sur la lune, où il y a un personnage qui se suicide, quelqu'un qui a trahi, et qui laisse une lettre, et des curés ont dit « Non, c'est pas possible, on peut pas laisser un suicide comme ça, on est dans les années 50. » Et donc, Hergé a dû corriger pour la republication et mettre « Quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en sortir. » Et Hergé en était malade, parce qu'il dit « C'est mentir aux enfants. » Le type se jette dans l'espace, il se sacrifie pour laisser assez d'oxygène aux autres, il n'y a pas de miracle. Et donc, Hergé est devenu, à la fin de sa vie, partie d'un milieu très catholique. Il est devenu très attiré par d'autres types de civilisations, d'autres types de croyances, parce que c'était un être très spirituel. On le sent dans Tintin au Tibet, avec force. On le sent dans l'intérêt d'Hergé à la fin de sa vie, pour la philosophie chinoise, pour le Tao. Mais il s'est vraiment dégagé de ce qui était l'idéologie de son milieu, politiquement et religieusement. Et c'est une belle forme de liberté, je crois, pour les enfants de cette époque-là. Et c'est assez injuste de parler d'Hergé en se focalisant sur ses premières années, parce que Benoît l'a rappelé tout à l'heure en faisant son portrait, Hergé n'est pas un intellectuel. C'est un très jeune adulte qui n'a pas de formation intellectuelle du tout, qui est entouré, effectivement, qui est dans un milieu qui, lui, est très, très politisé, mais lui, il ne l'est pas tellement. C'est un humoriste qui dessine et qui va sans doute être imprégné, mais comme tu le dis, Benoît, il va se dégager vraiment de cette éducation. Et s'ouvrir à un humanisme, tu as employé le mot tout à l'heure, mais il est certain que les valeurs portées par Hergé depuis le Lotus Bleu, mais dans beaucoup d'albums, et un humaniste, je dirais même, ouvert à d'autres questions. Ranko, le gorille dans l'île noire, qui s'avère être méchant parce qu'il est manipulé par les hommes, mais en fait ce n'est pas un animal méchant, et l'abominable homme des neiges, le yéti de Tintin au Tibet, Michel Serres racontait à quel point cette figure était complexe, ambiguë, et il disait porteuse de la plus belle morale du monde, c'est-à-dire l'abominable est bon. Il y a cette apparence que c'était un personnage redoutable, effrayant, et puis en fait, qu'est-ce qu'il a fait, l'abominable homme des neiges? C'est celui qui a sauvé Chang bien avant Tintin et Haddock. Alors, je suis entouré par des experts, mais la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce qu'ils le sont réellement? Et oui, vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Tintin. Saurez-vous y répondre? Tintin est un journaliste raciste pour certains, misogyne pour d'autres. Pensez-vous que Laurent Ruquier devrait l'embaucher pour la prochaine saison d'On n'est pas couché? C'est une très bonne suggestion, bravo. Mais je crois qu'il va y avoir plusieurs chroniqueurs, si j'ai bien suivi. Oui. Donc Tintin pourrait en faire partie? Non, parce qu'il n'est ni raciste ni misogyne. C'est ce que les gens pensent avec une mauvaise lecture. Il faut lire tous les albums pour se faire son opinion. Bon. Et puis il serait plus preneur, je pense, d'un Haddock, de quelqu'un qui s'emporte plus facilement qu'un Tintin. Haddock ferait plus le buzz que Tintin. Je pense. Ah, peut-être les deux. Allez. Ça ferait un bon duo. On signe le duo. Tintin est allé sur la Lune, au Tibet, chez les Soviets, en Amérique, chez les Picaros. Pensez-vous qu'avec la crise de la presse écrite, les albums de Tintin aujourd'hui, ça serait plutôt Tintin Sergi, Tintin Charleroi, Tintin attend une dépêche AFP pour écrire un article? Tintin à la cuisine, dans la cuisine même. Oui. Il y a encore moins de transport. Tintin avec un iPad. Et Tintin, il a quand même réussi à publier ses aventures sans jamais les écrire. C'est assez formidable comme modèle de journaliste. Je ne sais pas s'il avait une petite caméra pour le suivre partout, mais c'est extraordinaire. Alors, dernière question. Ma fille a 6 ans et j'ai déjà remplacé son poisson rouge qui est mort 3 fois. Oui. Tintin a 90 ans. Est-ce qu'il va finir par se rendre compte que c'est pas le même Milou? En fait, il a 90 ans pour nous, mais dans l'espace-temps dans lequel il vit, c'est l'éternelle jeunesse et l'éternel retour. Donc, c'est. Qu'il est fort. Je crois c'est exactement c'est ce que j'ai dit à ma fille avec son poisson rouge. Hein. C'est un autre dans présent. Ta tête, il est immortel, ce poisson. Voilà. Bon, allez, tout de suite maintenant, on va écouter Malik Julie et Judy et Étienne Dao, avec qui vont interpréter À tes côtés. Ravi, cher ami. Jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mots magiques, des réponses à nos questions. Si je suis largué, maintenant je sais, je pourrais poser ma main sur ton épaule. Logique, organique. C'était À tes côtés, interprété par Étienne Dao et Malik Judy. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Le message radio était clair, mais le caraboutchon a sombré et Tintin est introuvable. Je dirais même plus, le caraboutchon est introuvable et Tintin a coulé. Ohé, Dupont et Dupont. Non, faites excuse, mon brave, il y a erreur, nous ne sommes pas les Dupont, mais seulement des gens du coin. Voyons, messieurs. C'est moi, Tintin. Tintin, vous êtes vivant? Comment avez-vous fait pour nous reconnaître? Vous tombez à point. Nous sommes toujours ensemble pour parler de Tintin. Sonia Deschamps. C'est moi. Il y a un personnage dont on n'a pas encore assez parlé avec cette émission, c'est le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, mais pour beaucoup, Tintin, c'est le capitaine Haddock, en fait. Les gens ont une affection pour le capitaine Haddock qui est folle. Et tous ces jurons qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est tellement devenu maintenant dans notre langage, en fait, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire que ce sont des mots, des fois, qu'on sort, mais je pense, pour certaines personnes, sans même se souvenir d'où ça vient, en fait, le mille milliards de mille sabords, Bachibouzouk, tout ça, c'est vraiment des choses, voilà, qui aujourd'hui font partie, en fait, de d'autres langages quotidiens. Et je crois que Hergé se reconnaissait beaucoup dans le capitaine Haddock, quand on disait qu'il y avait son côté un petit peu boy scout, peut-être avec Tintin, mais je crois que le capitaine Haddock, il y avait quelque chose de très fort de lui. C'était aussi dans ce personnage. La force d'Hergé, c'est au fond d'avoir su se distribuer à travers tous ces personnages. Et quand il dit « Tintin, c'est moi », il ajoute aussitôt « mais le capitaine Haddock aussi, et même les Dupont, etc. » Il est un peu chez tous, il a créé Tintin très jeune, et au fond, dans la trentaine, quand il crée Haddock, il est heureux d'avoir un personnage plus adulte, plus complexe, chargé d'un passé, et avec Tournesol, avec la Castafiore, il y aura d'autres dimensions de sa personnalité. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'unique dans la série Tintin, c'est que, alors que Black et Mortimer, Spirou et tant d'autres ont connu une deuxième vie, Hergé et Tintin, ça continue à ne faire qu'un. Il n'y a pas eu de nouvelle aventure. C'est très étonnant, on évoquait le fait que Tintin a 90 ans, mais on peut dire qu'il est toujours avec nous, il est toujours présent, il est toujours connu de plusieurs générations de lecteurs, alors que le dernier album, il est sorti en 1976. Ça, c'est hallucinant, comme effet, de penser qu'on a cette présence-là, alors, et je crois que la force des personnages y est pour beaucoup. Et Haddock, notamment, est vraiment quelqu'un qu'on connaît, comme on connaît certains personnages de Molière, de Balzac ou de Proust, on peut les évoquer, ils vivent pour nous, et Haddock reste un personnage qu'on voit agir. On ne le rencontre pas dans la réalité, mais c'est un type humain extrêmement puissant. Et ce langage fleuri, ces insultes, c'est quoi la genèse? C'est un contournement pour ne pas avoir à écrire des gros mots. Donc il a entendu, Hergé aurait entendu sur un marché une femme qui insultait une autre personne en disant « espèce de pacte à quatre ». À l'époque, on parlait beaucoup du pacte à quatre, c'était un moment de l'histoire où on parlait de ça. Et donc, il a entendu cette sonorité et il s'est dit « tiens, c'est une insulte quand même intéressante ». Et il a, dans d'autres bandes dessinées, il y a parfois des têtes de mort, des éclairs, etc. Et chez Hergé, c'est beaucoup plus littéraire, c'est beaucoup plus inventif, à tel point même que certains de ses amis lui ont parfois soufflé, sans qu'il le sache, des mots inappropriés. Et donc, il y a différentes versions, parfois des bulles entre le journal de Tintin et les albums où il y a des mots qui disparaissent. Et il y a des mots rares, il y a des mots étonnants, par exemple catacrèse ou tchouk-tchouk-nouga, des choses parfois très insolites mais qui souvent sont inscrites dans la langue. Il y a un excellent petit livre d'Albert Algoud, grand tintinophile devant l'éternel, qui s'appelle Le Haddock illustré, et où il donne la vraie définition de chacun de ces mots. Et donc, il disait, c'était le slogan de son petit livre, insultez vos contemporains en vous instruisant. Et donc, effectivement, ces mots ne sont pas grossiers. Voilà. C'est l'invention verbale d'Hergé, parce qu'Hergé est un grand dessinateur, un grand narrateur, un grand humoriste, mais aussi un excellent écrivain. Les dialogues d'Hergé, on peut, d'ailleurs, ça a été enregistré par France Culture, rediffusé, c'est épatant, ça marche. Alors qu'on se dit, c'est très visuel, Tintin. Et ben, on entend l'ensemble des dialogues, on est déjà mort de rire. Alors, il faut le préciser aux auditeurs, Albert Algoud était bien évidemment invité à cette émission, parce qu'on ne pouvait pas parler de Tintin sans lui, hein, vu que c'est mon camarade à la bande originale. Mais monsieur avait un déjeuner. Un déjeuner majeur. Un déjeuner majeur, très important. Oui, ça devait certainement être quelque part dans l'8e arrondissement. Il a quand même bien précisé qu'on devait parler de son œuvre, voilà, pour qu'il touche des royalties, etc. En plus, il est édité par Casterman, donc on aurait... Oui, voilà, on se retrouve, c'est une mafia, Alors, on applique souvent à Hergé le qualificatif de visionnaire, notamment parce qu'il aurait anticipé le voyage sur la Lune. Qu'en est-il? Hergé rêvait d'envoyer Tintin sur la Lune depuis les années 40. Il a commencé cette aventure en 1950. Tintin et ses compagnons ont posé le pied sur la Lune quand même 16 ans avant Armstrong. Et Hergé d'ailleurs en 69... célébré il n'y a pas longtemps les 50 ans de l'homme sur la Lune, Hergé avait fait un dessin très ironique, très drôle, où Armstrong arrive et Tintin, Haddock, Tournesol et Milou sont là avec un panneau « Welcome on the moon, Mr. Armstrong ». Et donc, Hergé réaffirmait que, effectivement, Tintin y était bien avant. Mais il y est surtout avec une crédibilité extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on a vu et revu toutes les images de la NASA, si vous relisez Objectif Lune, on a marché sur la Lune, on a le sentiment que c'est vrai, que c'est crédible. Or, la technologie, à l'époque, elle n'était pas développée. Au tout début des années 50, Hergé a rassemblé toute la documentation possible. Qui sait si ce n'est pas lui qui a soufflé finalement quelques années plus tard à Kennedy l'idée de lancer ce grand projet, de que les États-Unis soient capables de faire aussi bien que la petite Belgique ou que la Sildavie, pays bien peu connu d'où part l'expédition lunaire. Alors, si Tintin jouit d'une popularité qui ne s'est jamais démentie, il a aussi connu son lot de polémiques. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ce que je reproche dans Tintin, c'est que on met Tintin dans une foule immense et on doit trouver trois personnages et trois bandits, on les trouvera au visage. Parce qu'il y aura plein de gens normaux, mais il y aura les bandits seront avec les gros sourcils, le chapeau, le manteau. Toujours comme ça. Tintin, l'ensemble des albums d'Hergé sont inconsciemment racistes. Enfin, même lorsqu'il ne s'agit pas de méchants, le bizarre, l'inintelligible, l'indéchiffrable est attribué à des peuples qui n'ont pas la même couleur de peau que Tintin. Tintin au Congo, qui est pratiquement le plus vendu de toute la série, 10 millions d'exemplaires, un ouvrage que nous estimons être particulièrement raciste et même subtilement négationniste. C'est le racisme et l'antisémitisme qu'il n'a pas vraiment totalement bridé par conviction, qu'il a bridé plutôt pour se mettre dans l'air du temps. C'est le Claudel hein, de la bande dessinée sur ce plan-là. L'ode au maréchal transformé en ode au De Gaulle. Quoi. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aimerait ressembler au héros Tintin? Aucun de vous? J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors, je ne peux pas poser la question plus simplement en faisant abstraction, évidemment, des qualités de l'œuvre d'Hergé. Et puis surtout, on ne va pas faire le procès des œuvres parce que ça a été écrit à une autre époque. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'aux yeux de certains, Tintin semble réac? Oui, bien sûr, parce qu'il a démarré dans un environnement réac, parce que Tintin au Congo, qui était dans l'air du temps en 1930, c'était même en deçà du discours colonialiste belge et français. Nos ancêtres les Gaulois étaient là partout. Quand Tintin a donné un cours de géographie sur votre patrie, la Belgique, aux petits Congolais, ça choquait personne. Sauf que toute la propagande coloniale, elle a disparu depuis longtemps. C'est des documents d'archives que seuls les historiens consultent, alors que Tintin au Congo, il est toujours là. Alors si on le lit hors contexte, c'est vrai qu'il peut gêner. Mais la force d'Hergé, c'est d'être parti d'idées étroites et de les avoir quittées très vite, très tôt. Moi, s'il y avait que Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et même Tintin en Amérique, je ne serais pas un tintinophile. Mais il y a le Lotus Bleu, il y a le secret de la licorne, il y a Zorino dans le Temple du Soleil, il y a tous ces moments de générosité et d'ouverture. Je crois que quelquefois, certains lisent Tintin avec leur propre préjugé et leur propre oubli de la diversité de la série. Dire que le bizarre est stigmatisé dans Tintin, mais c'est faux. Le bizarre, il est là partout. Et les personnages sympathiques et bizarres qui sont là, à commencer par Tournesol, ils sont au cœur de la série. Sonia Deschamps, avec les adolescents, enfin, par rapport aux lectures que vous pouvez voir chez les ados aujourd'hui, est-ce que cette dimension, un petit peu réactionnaire, elle est ressentie par les jeunes lecteurs? C'est exactement ce que disait Benoît Peters, c'est-à-dire je ne suis pas sûre que déjà les jeunes lecteurs lisent d'abord Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo forcément, et qu'ils y voient ça justement. Effectivement, après il y a le prisme, il y a voilà tout ce qu'on met dans les lectures qu'on fait. Très honnêtement, je vous avoue, j'ai jamais discuté, j'ai pas pris des adolescents avec moi pour leur poser la question qu'est-ce que vous pensez de Tintin et comment est-ce que vous jugez les personnages, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la diversité dans Tintin. Donc vraiment, je fais par rapport à ce que je ressens moi, par rapport à ce qu'ils aiment, ou en tout cas aussi aux lectures. Moi aussi j'étais adolescente et j'ai lu Tintin, et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti à la lecture. Et c'est aussi tout l'intérêt des livres qui font l'exégèse de ces premières œuvres. Il y a des éditions justement de Tintin au Congo avec tous les documents qui recontextualisent effectivement, avec des photos également qui montrent pourquoi est-ce que Hergé est représenté de telle façon, parce qu'il y avait telle photo, parce que c'était ça qui était à l'époque qui circulait. Donc je pense que après effectivement c'est important d'aujourd'hui expliquer et montrer effectivement, recontextualiser tout ça. Ce sont des éditions hyper importantes. Et Benoît Mouchard, pour l'éditeur que vous êtes, comment gérer voilà, ce problème qui revient tout le temps dès qu'on évoque Tintin désormais? Effectivement, en éditant des livres qui permettent par exemple, on a édité l'année dernière Les Tribulations de Tintin en Congo de Philippe Godin, qui montre effectivement tout le contexte de la parution de cette histoire. Mais c'est le travail aussi des parents et des adultes, parce que Tintin, je crois, n'est pas une lecture spontanée pour un enfant d'aujourd'hui. En général, les adultes mettent dans les mains les albums de Tintin plus qu'un enfant. Je pense que les enfants se précipitent davantage sur d'ailleurs leur tablette que sur un album de Tintin. Et donc, je pense que c'est aux parents qui nous écoutent d'avoir cette conversation, de dire qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as compris. Et ça, c'est un travail qui doit être fait et qui a été fait. Mais je voudrais quand même aussi rappeler, comme le disait Benoît Peters, il parlait du Lotus Bleu, que l'une des plus belles pages antiracistes de l'histoire de la bande dessinée, elle est d'Hergé. C'est le dialogue entre Chang, le jeune Chang que Tintin a sauvé de la noyade, et donc Tintin, qui sont tous les deux en train d'échanger sur les différents préjugés qu'ils ont, l'un et l'autre, sur leur origine. Tintin... Et ça, c'est en 1935, donc un moment où on ne croisait pas la diversité partout dans les rues, et où c'est quelque chose qui certainement a dû surprendre les lecteurs, que les Chinois ne soient pas... les Chinoises avec les petits pieds confinés dans les chaussures, les supplices chinois, les nids d'hirondelles, enfin voilà, on racontait autre chose sur la Chine. Je crois que dire effectivement non, ça n'est, enfin, que certains albums ne posent pas problème, ce serait se voiler la face et ne pas dire la vérité. Mais en revanche, jeter à l'opprobre, dans l'opprobre, toute l'œuvre, au prétexte qu'il y a effectivement un ou deux albums... Oui, puis ça je pense qu'il y a... Pas est-ce qu'on met Shakespeare à la poubelle à cause du Marchand de Venise? Ou Jules Verne. Ou Jules Verne, non. Puis il y a une chose quand même à dire sur Tintin au Congo, c'est que quand on sait aujourd'hui, quand les historiens nous ont montré ce qu'était la colonisation belge au Congo, le livre de David Van Rebroek, avec l'extraordinaire violence, je vous assure que les Congolais, ils auraient préféré vivre avec Tintin, qui était dans son paternalisme un peu bébête à l'époque, mais qui n'était pas un massacreur et un exploiteur. Bon, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter Vampire Weekend avec This Life. I just thought we locked the gate when we left. on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Cheating on me, I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. C'était This Life de Vampire Weekend et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Christophe au téléphone. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Vous nous appelez d'où? De Besançon. Ah, Besançon. Alors, je dis ça parce que je suis nancéen et ma belle-mère est de Besançon, tout ça. En même temps, je vous raconte ma vie, c'est plutôt à vous de me raconter la vôtre. votre belle-mère est une bonne personne, du coup. Voilà. Bah, comme elle écoute toutes les émissions, elle sera contente. Vous avez découvert Tintin comment? Bah un peu comme tout le monde, quoi. Quand j'étais petit, c'est à peu près la première BD que j'ai lue et que j'ai aimée et qui m'a ouvert le monde de la BD en général. Et du coup, vous n'avez jamais arrêté? Je continue toujours, ouais. D'accord. Alors, vous allez devoir répondre à trois questions, Christophe, en 25 secondes chrono. C'est long, mais c'est court. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est compris? Oui. Eh bien, c'est parti. Christophe, si je vous donne le chiffre 8, est-ce que cela correspond, réponse A, à l'âge auquel Hergé a commencé à dessiner des croquis de Tintin? Réponse B, au numéro de l'album dans lequel le lecteur découvre pour la première fois les noms de Dupont et Dupont? Ou réponse C, le numéro de l'album où le lecteur découvre pour la première fois les fameux jurons du capitaine Haddock? Je dirais le capitaine Haddock. Réponse C? Réponse C. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est pas grave, est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Je vais faire appel à mon joker alors. Alors, qui choisissez-vous? Benoît Peters. Alors, je vais reposer la question. On repose la question. Si je vous donne le chiffre 8, est-ce que cela correspond, réponse A, à l'âge auquel Hergé a commencé à dessiner des croquis de Tintin, ou réponse B, au numéro de l'album dans lequel le lecteur découvre pour la première fois les noms de Dupont et Dupont? Bah, c'est la réponse B. Bonne réponse de Benoît Peters. Ah, parce qu'avant ils sont pas nommés. Avant ils étaient X33 et X33 bis. Et voilà, le 8e c'est quoi pour vous, le 8e album? Le 8e pour moi, parce que vous croyez vraiment que sans mes fiches comme ça je peux vous répondre là actuellement? Si c'est le crabe aux pinces d'or, c'est aussi le sceptre d'autocar. Non, c'est le sceptre d'autocar. Bon, ça va alors. Voilà. Heureusement que Benoît Peters il est là, parce que je vois bien Benoît Mouchard, il était là. Ouais, je vais te mettre le nez dans ton caca. Ben non, ça n'est pas arrivé. Bon, alors il y a une bonne réponse, Christophe, ça va? Le palpitant, oui. Tout va bien, prenez votre tension. Question suivante. Dans quelle aventure d'Astérix et Obélix, Dupont et Dupont font-ils une apparition? Ah là, j'ai pas de choix. Ah là, il n'y a pas de choix. C'est facile. Mais imaginez. Je dirais quand même Astérix chez les Belges. Oui. Voilà, l'important, Christophe, et ça je pense que c'est une leçon de vie, c'est qu'il faut se faire confiance de temps en temps. Voilà. Ah, voilà, il faut se lancer parce que c'était gagnant. J'en prends note. Voilà. Dernière question. On va vous diffuser un extrait, écoutez bien. Mais content, pas du tout, il est excellent. Vous cuisinez avec Fruit d'or, c'est mon huile. Quel personnage de la bande dessinée Tintin retrouve-t-on dans cette publicité ? Et bah ça ressemble, et c'est le professeur Tournesol. Et c'est Henri Virlogeux qui prêtait sa voix au professeur Tournesol. Voilà, qui a vendu de l'huile Tournesol. Oui, c'est des publicités un peu tristounettes, hein. Je trouve que Tintin faisant du merchandising comme ça, c'est pas ce qui me plaît le plus. Bah oui, c'est d'accord, mais on a retrouvé l'archive. On a retrouvé l'archive. Bon, en attendant... Et le nom du comédien, merci Benoît Bouchard. Oui, en attendant, même si on était déjà, d'ores et déjà dans cette époque de consommation effrénée, eh ben Christophe, vous avez gagné. Bravo. Et vous avez gagné quoi ? Le premier numéro du MOOC Tintin, c'est l'aventure de Géo, une revue trimestrielle qui revisite l'œuvre d'Hergé à travers des reportages, des nouvelles et des interviews. Eh ben c'est cool. Eh ben voilà. On est ravis de vous avoir eu avec nous, Christophe. On va y ajouter un album de Tintin. Ah. Tintin Attendez. Et la Lune, l'album qui réunit les deux aventures lunaires de Tintin, on l'ajoute au panier. C'est du jamais vu. Il aurait jamais vu. Préféré un voyage sur la Lune. Ça c'est l'effet Radio France, service public. C'est les invités se disent, ah mais ils sont quand même un peu chiches leurs cadeaux, donc ils rajoutent des trucs à eux. Donc voilà l'album Tintin, Objectif Lune et on a marché sur la Lune. C'est un auteur Casterman qui s'appelle Philippe Gulup qui m'a appris à faire la promotion. Voilà, Philippe Gulup. Il y a donc c'est Philippe Gulup qui fait quelque part un cadeau en même temps. Même quand il n'est pas là. C'est voilà, top. Hein. Exactement. Ah, là, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, monsieur le chat. Bon, eh ben on vous remercie et à bientôt, Christophe. Alors, j'ai une dernière question avant la fin de cette émission. Astérix continue de vivre de nouvelles aventures, Luculic aussi, Spirou. Pourtant, Tintin semble indissociable d'Hergé. Et en plus, il y a les ayants droit qui gèrent l'image de Tintin d'une main fer. Donc, j'ai envie de vous poser la question, c'est, quel est l'avenir de Tintin ? L'avenir de Tintin, il est de continuer à être lu par plusieurs générations de lecteurs. Il y a probablement un avenir cinématographique. Mm-hmm. Je D'ailleurs, peux pas on en, en est parler. Où je peux pas en parler, mais il y a des projets très sérieux. Et par contre, il est très peu vraisemblable que Tintin vive de nouvelles aventures sous forme de bande dessinée, même si, je l'ai déjà dit sur cette antenne, il n'y a en fait pas de véritable interdit légal. C'est l'ayant droit qui peut ou non décider s'il peut y avoir de nouvelles aventures de Tintin. Ce qu'Hergé a exprimé, il l'a exprimé dans des interviews. Il n'a pas laissé de testament dans lequel il dirait qu'il ne souhaite pas que les aventures de Tintin se poursuivent. Donc si il n'y a pas de nouvelles aventures de Tintin, eh bien il faut en être reconnaissant envers Fanny Rodwell, qui est l'ayant droit d'Hergé, qui a été la seconde épouse d'Hergé et qui s'est toujours tenue à ce que Hergé avait souhaité. Très bien. Dans plusieurs interviews, mais je le répète, dans plusieurs interviews. D'accord. Donc si avenir il y a, ça sera au cinéma. Je tiens à vous remercier. Merci Sonia Deschamps, Benoît Peters, Benoît Mouchard d'avoir été avec nous pour évoquer Tintin. Comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Tintin, et nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur le Twitter hashtag Blockbuster Effi. Oui, allô ? Quoi ? Oh non ! D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, viens, Milou. En route pour de nouvelles aventures. On se retrouve demain pour parler complot, petits hommes verts et agents du FBI. Demain, on parle d'X-Files.